J'aurais juste envie d'intervenir sur un petit point quand même. J'ai du mal à réfréner toute intervention. Sur cette question de la vertu, c'est vrai que pour reprendre la phrase du discours sur les sciences et les arts, hein, par lequel vous avez ouvert votre propos, donc les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertus. Les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. Donc cette phrase que Rousseau reprend à Montesquieu et que Constant retournera, c'est-à-dire que Rousseau retourne contre Montesquieu et que Constant retournera contre Rousseau. Alors cette phrase, il me semble qu'elle est très révélatrice, parce que s'il y a bien un lieu d'articulation entre les deux, elle se situe là. La vertu dont parle Montesquieu, dont parle Rousseau et dont parlera Constant, ça n'est pas la vertu morale. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que c'est la vertu politique en tant qu'elle se distingue de la vertu morale. Et de ce point de vue-là, tout ce que vous dites au début sur le fait que le commerce moralise pour Montesquieu me paraît, disons, étranger à sa pensée, dans la mesure où justement ce qui l'intéresse dans le commerce, c'est de trouver un substitut à la vertu, aussi bien politique que morale. Donc en réalité, il me semble que tous les effets moraux, autant sur la question de cognitive, disons, comme vous dites, il y a à mon avis quelque chose de très juste, autant sur la question morale, précisément le doux commerce, c'est comment se passer de la morale. Et donc la question, c'est la vertu politique, dont Rousseau croit qu'elle est quand même nécessaire, et que Montesquieu pense qu'elle est à tout jamais révolue. Donc voilà, ça c'est un point qui me paraissait important, mais voilà, la discussion est ouverte. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors sur ce point-là, oui, en fait, ce dont je voulais traiter, c'était justement du fait que Montesquieu parlait de la manière dont le commerce, une pratique, pouvait avoir des conséquences éthiques sur l'éthos, sur les dispositions individuelles. Effectivement, je n'ai pas traité de manière technique de la distinction entre vertu morale et vertu politique, qui en tout cas chez Rousseau me semble clairement et bien traité. Mais ça, je pense que c'est aussi le problème qui est afférent à mon projet, de vouloir comparer deux doctrines qui parlent pas forcément toujours le même langage. Sur la vertu, ils parlent le même langage. Oui, mais Rousseau, alors là, je suis pas forcément complètement d'accord, parce que Montesquieu définit la vertu comme l'amour de l'égalité. Rousseau définit la vertu comme la subordination de la volonté particulière à la volonté générale. Et je ne sens pas que ce soit la même chose. Il y a aussi cette définition chez Montesquieu, en fait. Au livre 5 de l'Esprit des lois, au moment où il définit, en fait, la vertu comme amour de la patrie, amour de la République, amour des lois, amour de l'égalité, amour de la frugalité, il définit aussi la vertu comme le fait de subordonner toujours son intérêt particulier à l'intérêt général. Donc, quand Rousseau est secrétaire, c'est dans le livre 5, et quand Rousseau est secrétaire de Madame Dupin et qu'il recopie l'Esprit des lois, bon, ça fait partie des choses qui s'est un peu incorporée, on va dire, vraiment même au sens presque strict. Sauf qu'il n'y a pas la note de l'édition. Il n'y a pas l'avertissement, mais bon. Et du coup, alors à votre sens, l'esprit de commerce, ce serait un substitut. Ce ne serait pas un autre paradigme de la vertu, mais un substitut. Voilà, c'est okay. Ça. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques? Alors, Catherine Audard. Alors, sur cette question de la vertu politique républicaine chez Montesquieu, comme substitut, plutôt remplacé peut-être par les vertus modernes, comme le commerce en commun, etc., moi je me demandais quand même si la rupture entre, enfin je ne suis pas socialiste, hein, mais la rupture entre Rousseau et Montesquieu, c'est quand même pas le pluralisme, parce que vous avez très bien indiqué dans votre analyse à quel point l'expérience du commerce va complètement changer les références traditionnelles, tribales, liées à un monde clos, avec l'entrée d'un monde nouveau d'échange fluide, multiple, imprévisible, etc. Enfin, c'est un monde complètement nouveau auquel Montesquieu est très très sensible, et c'est ça qui va tout faire basculer. Et le commerce n'est certainement pas doux, mais il va au contraire changer complètement les perceptions, les visions du monde. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, là, j'insiste peut-être plus que ce que Catherine défendrait, mais moi, je suis du côté d'Eisenberlin et vraiment de ce monde, d'une pluralité de valeurs qui se télescopent, qui sont incommensurables, etc. Après, il me semble que c'est Non, mais c'est sûrement ce que Montesquieu dit au livre 19. Oui. Hein. Bon, le commerce des femmes gâte les mœurs et forme le goût. Le goût est justement la capacité de juger dans le divers. Les politiques sont des trônes. Enfin, mais en même temps, elles restent là. Enfin, bon, tout ce télescope, c'est l'impression que j'aurais. Mais bon, et c'est ça l'émergence de ce libéralisme au XVIIIe siècle. Enfin, c'est avec, absolument lié de façon intrinsèque au pluralisme. Mais Émile voyage, hein, quand même. Oui. Oui, non, je sais. Mais si je puis me permettre sur la question, moi je suis pas sûr que. Enfin, je dirais pas que Rousseau soit absolument insensible au pluralisme, mais il y voit pas forcément quelque chose qui aurait des effets positifs. C'est quelque chose dont il traite dans le chapitre sur la religion civile, par exemple, sur la tolérance, à mon sens. Il voit aussi les oppositions. Alors, c'est des oppositions d'intérêts, c'est pas des oppositions de valeurs. Là, lié à la division du travail, mais il voit, à mon sens, il voit précisément dans le politique, mais comme un monisme. C'est sûr, hein, le politique, ce qui fonde le politique, c'est un monisme, une conception commune du bien. Il voit dans le politique une manière de contrecarrer les effets néfastes, de reconstruire quelque chose qui a été perdu. Voilà. Je pense que, effectivement, je pense qu'au niveau du diagnostic, il voit bien ça. Mais il pense le politique comme un moyen, un recours contre les effets négatifs que lui voit de ce monde moderne. Je voulais rajouter le mot égalité à cette conversation à propos du commerce et des vertus. Parce qu'après tout, c'est Montesquieu qui dit quelque part dans l'esprit des lois que le commerce est l'occupation des gens égaux. Exactement. Tandis que pour Rousseau, c'est le commerce qui détruise l'égalité. Oui, alors, si je peux répondre là-dessus, parce que j'en avais discuté avec Bernard Manin au moment où il était en train d'écrire l'article auquel j'ai fait référence, hein, sur « On peut surmonter l'opposition vertu-commerce, il y a des républiques commerçantes ». Et quand dans la définition que donne Montesquieu de l'esprit de commerce, hein, c'est au livre 5, il y a l'esprit de commerce entraîne avec lui modération, travail, etc. Il n'y a pas égalité. Et Montesquieu introduit l'esprit de commerce comme une réponse à une objection, la vertu et l'amour de l'égalité. Et Montesquieu répond à cette objection en disant « Il peut arriver que... » Donc, je développe l'objection. La vertu est l'amour de l'égalité. Or, le commerce, c'est l'inégalité. Il sait ça très bien, Montesquieu. Je veux dire que le développement économique au XVIIIe siècle, ça soit une prolifération des inégalités, et que la question du luxe, ça soit la question de l'inégalité. Montesquieu le sait parfaitement bien. Hein. Et donc, il va dire « Oui, mais... » L'esprit de commerce traîne avec lui tant de modération, et ce qu'il va redire après dans le livre 7, quand il parle du luxe et de la Hollande, justement, il n'y a pas trop de luxe en Hollande, il n'y a pas... Bon, donc, je crois que c'est il y a deux choses. Je crois que ce qui a frappé tous les contemporains de voir le développement de l'économie, c'est de voir les inégalités se multiplier, et de ce point de vue-là, je crois que quelqu'un du XVIIIe siècle aurait lu Louis Dumont Homo Equalis, il aurait dit, mais enfin, Homo commercialis n'est pas absolument pas Homo Equalis, c'est Homo des grandes inégalités. En même temps, quand Montesquieu dit le commerce est la profession des gens égaux, c'est dans le chapitre, toujours du livre 5, où il dit qu'il ne faut pas permettre à la noblesse de commercer, donc c'est un autre type d'inégalité, c'est d'inégalité hiérarchique. Mais ça n'empêche pas l'inégalité des fortunes. Donc je crois que Montesquieu navigue avec beaucoup de finesse entre ça. C'est-à-dire c'est dans un monde où la loi est la même pour tous, donc on ne peut pas permettre à ceux qui ont une position exorbitante du droit commun de faire du commerce, mais bien sûr que le commerce entraîne l'inégalité. Là, Montesquieu est en plein accord avec Rousseau là-dessus. Je veux dire... Ça arrive tard, hein, dans le 18e, on voit ça chez, un peu chez Condillac, et puis on voit ça chez Barnave au moment de la Révolution française. de dire finalement le commerce égalise les fortunes, hein, on va vers la classe moyenne. Mais pas les gens de 1750-1760, je crois pas. Si je peux me permettre, ouais. Je suis complètement d'accord. Ah, chouette. Pourquoi ? Parce que d'une part, bon, il y a la fameuse lettre à Donville sur l'Angleterre, où justement il dit la raison pour laquelle l'Angleterre va quand même, que le dernier soupir de liberté sera poussé par un Anglais, c'est le développement des classes moyennes. Et donc il croit quand même, un peu comme Hume, oui, les textes de Hume, et Smith, voilà, que, enfin, Smith après, que effectivement le développement des classes, que le commerce. Donc moi je me reposerais peut-être un peu plus sur la distinction commerce d'économie, commerce de luxe, qui intervient en livre 20, avec l'idée que le commerce d'économie, comme celui qui se pratique en Hollande, est frugal, c'est-à-dire que précisément il crée une sorte d'éthos où on accumule, on gagne petit et en fait on se lance pas dans des grandes dépenses somptuaires. Tandis que dans la monarchie, en particulier dans la monarchie française, où c'est la consommation ostentatoire, et ben en fait le mécanisme hiérarchique qui est lié à la nobilité, à la noblesse, et le mécanisme inégalitaire lié au luxe convergent et en réalité les inégalités s'accroissent. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il y a dit. En ce qui concerne l'Angleterre et Smith, par exemple, parce que le point de départ de la régénération, c'est ce que, la question que Smith pose très clairement dès l'introduction et l'aboutissement de la régénération, c'est la comparaison entre les pays égalitaires et pauvres, comme les Indiens d'Amérique, et les sociétés avancées développées comme celles. L'Angleterre, et dans lequel les inégalités sont beaucoup plus grandes, mais où c'est un lieu commun absolument qu'on retrouve déjà chez l'homme, où le plus riche indien est plus pauvre que le plus pauvre. Donc, par conséquent, les inégalités ne sont pas du tout quelque chose caractéristique de l'enrichissement, et deuxièmement, mais ces inégalités ne se font pas au détriment des plus pauvres. Et ça, c'est la question qu'il veut, la question qu'il pose et à laquelle il veut répondre. Il écrit la jeune nation en partie pour ça. Donc, parler de l'apologie des classes moyennes, là. Oui, j'ajouterais un tout petit point, c'est qu'il ne faut pas confondre les inégalités comme conséquence de l'égalité de statut qui permet le commerce. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on mélange une inégalité qui est le résultat du commerce et de l'accumulation de richesses à certains niveaux et d'autres. Et l'égalité de statut qui permet que les relations entre les gens, la violence ouverte, soit interdite. C'est-à-dire que le contrat. Donc là, on est peut-être précisé les choses. Et pour aller dans le même sens, lorsque Montesquieu aborde le problème de la noblesse peut-elle commercer sans déroger, qui est la grande question qui va ensuite être traitée, quand il souhaite qu'il y ait une mobilité ascendante des commerçants. C'est-à-dire que précisément, le sens de toute sa démarche sur la question de la monarchie et du commerce, c'est de renforcer une possibilité de circulation des élites et de faire en sorte que la richesse puisse permettre d'acquérir la noblesse. Et que donc, de ce point de vue-là, il n'y ait pas besoin de revenir sur le principe de non-dérogeance. Et de maintenir le prix des terres. Mais bon, ça fait une autre affaire.